La couleur rouge du dragon n'est pas toujours un parangon. Pendant le retour vers l'hôtel, May reçoit un coup de téléphone. Elle a une courte conversation qu'elle interrompt pour s'adresser à moi. « Une amie nous invite demain à déjeuner chez elle. Qu'en dis-tu ? Si cela ne nous prend pas trop de temps, ça va. C'est utile de rencontrer le plus de gens possible. On ne sait jamais. » 4 juin 2017, Canton, nuit. Peu avant le déjeuner, une grosse voiture, gris métallisée, s'arrête au coin d'une rue, près de nous qui l'attendons. La fenêtre obscure du conducteur s'abaisse. Homme trapu, cinquantaine d'années, visage rond, petits yeux vifs, lèvres minces, impeccable costume typique d'homme d'affaires. Sur le siège, à côté du sien, une femme, quarantaine d'années, vêtements de type occidental, très élégant, dernière mode, cheveux teints couleur châtaigne, joues maquillées, visage de poupée, lèvres rouges de maquillage, charnu, gros pendentif doré aux oreilles, mains fines, ongles longs, bien soignés, colorés en rose. La femme baisse sur son charmant petit nez les grosses et noires lunettes de soleil, puis salue May avec un large sourire. « Hello, May » s'exclame-t-elle en prononçant le premier terme avec un accent américain, cependant de tonalité chinoise. « Ni hao !» répond simplement May, en utilisant le mot chinois pour dire « salut ». Dans quelle aventure suis-je embarqué ? Nous montons dans le gros véhicule. Le conducteur et son épouse se tournent un peu vers l'arrière et me saluent avec leur « hello ». Durant le trajet, la voiture s'arrête à un feu rouge. Une vieille femme, en guenille, le dos très courbé, s'approche en boitillant de la porte arrière, puis tend une main pour l'aumône. Pris de pitié, elle aurait pu être ma mère, je tire rapidement de ma poche un billet de monnaie et le dirige vers l'infortuné. Immédiatement, la vitre arrière s'abaisse. Choqué, je demande à May, « Dis-lui d'ouvrir, je veux donner à cette femme un peu d'argent. » La vitre se relève. La malheureuse reçoit le billet en inclinant plusieurs fois la tête. Quand elle lève son visage vers moi, ses yeux extrêmement étonnés manifestent une reconnaissance qui me remue profondément. La voiture repart. Le mari murmure quelque chose à son épouse. Elle demeure muette. Ma curiosité me pousse à recourir à May. Qu'est-ce qu'il a dit ? 4 juin 2017, Canton, soir. Honteuse, j'hésite à répondre. Mais Bruno attend la traduction des propos du chauffeur. Il a dit qu'il n'est pas bon de donner ainsi de l'argent. Cela incite les gens à la fainéantise, à ne pas chercher du travail. Mais cette femme est vieille. À son tour, le chauffeur veut connaître le commentaire de Bruno. Je traduis. L'homme ricane légèrement. « Dis-lui, réplique-t-il, d'aller voir ce qu'elle cache sous son matelas. » Je n'ose pas transmettre ce jugement à Bruno, mais lui reprend légèrement énervé. « Tu me traduis, s'il te plaît ?» Je le satisfais. Son visage s'assombrit. Je partage son indignation devant un tel vulgaire et stupide égoïsme. Aïe, aïe, aïe, j'ignorais le genre d'époux de mon ami. Uniquement pour ne pas embarrasser May, je ne demande pas d'arrêter la voiture pour en descendre et quitter cet ignoble crétin. Je raisonne, c'est quand même instructif de voir l'aspect immonde de l'humanité, quoique je le connais déjà assez, me semble-t-il. Excellent antidote pour vérifier mes propres infirmités. Peu de temps après, la voiture pénètre dans un beau parc au pied d'un ensemble de constructions récentes, des tours chacune d'une quarantaine d'étages. Le tout indique l'aisance économique des résidents. Le véhicule stoppe dans la partie réservée au stationnement. Le conducteur et sa femme en sortent, suivis par nous et tous, nous nous dirigeons vers l'entrée d'un immeuble. L'amie de May a la taille bien proportionnée. Elle aurait pu faire une carrière de top modèle, comme si la haute taille ne lui suffit pas. Ses chaussures sont à talons élevés, d'un rouge brillant. Elles donnent à sa démarche une allure provocante pour tout regard masculin libidineux. Nous pénétrons dans un large hall, bien entretenu. Mais tout est vert et acier, pour moi froid et désagréable. L'ascenseur arrive, nous y entrons, ample, ultra-moderne, muni d'un grand miroir. Une lumière rouge clignotante indique le parcours des étages, tandis qu'une voix féminine annonce mécaniquement celui où l'ascenseur passe. Au 38e étage, nous sortons et pénétrons dans un appartement. À l'entrée, l'ami de May et son mari enlèvent leurs chaussures et enfilent des pantoufles. L'hôtesse prend deux paires de pantoufles qu'elle tend à May et à moi. Nous imitons le couple. Entrée dans le salon. Parquet de marbre rutilant, couleur entre gris et blanc. Pour moi, encore froideur. La femme dit une phrase à May, celle-ci se tourne vers moi. « Je te laisse un moment au salon pendant que je vais aider mon ami à préparer la table pour manger. »« D'accord, assieds-toi, » dit-elle en indiquant le divan. May s'éloigne avec son ami vers une porte. Je m'assois sur le divan. Très moderne, de cuir blanc, excessivement large, pouvant accueillir des éléphants. Sans tenir compte de ma présence, le mari va dans une autre pièce et ferme derrière lui la porte. « Ah, je croyais qu'il serait resté avec moi. » Tout au moins par politesse. J'avais lu quelque part que les Chinois tiennent beaucoup à ce qu'ils appellent l'étiquette. Suis-je tombé dans l'exception ? J'observe le salon. très ample, partout des objets, des gadgets, à mon avis inutiles, sinon comme ostentation vulgaire de richesses matérielles, comme chez nous. Je remarque une bicyclette d'intérieur dans un coin. L'unique objet chinois est une grande peinture où figure un dragon rouge sur fond jaune. Une large baie vitrée laisse voir la ville. J'espère de tout mon corps que Juan n'habite pas ce genre d'appartement. Il me glace. Dans la cuisine, ultra-moderne comme le salon, muni de tous les accessoires, Li Ping et moi préparons des raviolis. « Il est pas mal, ton ami, » dit-elle d'un air coquin. Je me contente de répondre avec un sourire. « Et il te plaît ?» demande-t-elle d'un regard malicieux. « Il est honnête. Oh, ce genre d'homme ne court pas les rues. Mais surtout, est-il riche ? Quelle est son activité professionnelle ?»« Je l'ignore. Il ne m'en a jamais parlé. C'est la première chose que tu devrais lui demander, » souligne Li Ping. « En tout cas, il a l'air riche, comme tous les Occidentaux qui viennent en Chine. Il ne se comporte pas en riche. » Alors, c'est un occidental bizarre. Pourquoi ? Un occidental riche qui ne se comporte pas en occidental riche, c'est bizarre. Est-ce qu'un chinois riche ne se comporte pas en homme riche ? Il y a des exceptions. Et son cœur, continue Li Ping, il est pris par une femme. Occidentale ou chinoise ? Chinoise. Oh ! Et combien son cœur est pris par cette femme ? Totalement. Totalement, totalement ? Oui. Tu crois, ma chère May, qu'existent vraiment des hommes dont le cœur est totalement pris par une seule femme ? La question me surprend. Pourquoi de tels hommes n'existeraient pas ? Li Ping éclate de rire, puis affirme goguenarde. Si de tels hommes existent, alors il faudrait également croire au dragon volant. Elle ricane, amusée par sa métaphore, en remuant les raviolis dans l'eau bouillante et fumante d'une marmite électrique. Je me décide à mieux comprendre mon amie. Pourtant, quand nous étions au lycée ensemble, tu ne parlais pas ainsi. Oh ! Avec les années vient l'expérience, et celle-ci ouvre les yeux, même les plus bridés. Elle éclate d'un autre rire. Je comprends l'allusion. De notre temps au lycée, n'existait pas encore la réforme économique des années 1980. Elle fit sortir le pays du sous-développement, mais créa une compétition, source de flagrantes inégalités. Avant cette époque, des jeunes comme Li Ping et moi, vivant dans la pauvreté matérielle, ne pouvions prétendre qu'à une richesse spirituelle. La possession d'un idéal remplaçait celle de choses matérielles. Mais déjà, le vent des réformes soufflait aussi dans notre lycée. Li Ping commençait à se différencier de moi. Alors que je me passionnais pour connaître l'histoire des autres peuples et leur lutte pour un monde meilleur, Li Ping songeait à améliorer sa vie concrète en cherchant un époux inséré dans les institutions gouvernementales. « Là où est le pouvoir, » affirma-t-elle, « là est l'argent, donc la vie. » C'est ainsi que, une fois terminées les études secondaires, elle s'éloigna de moi, tout en me conservant son amitié. Effectivement, elle réussit à se marier selon son ambition. Elle trouva mieux doté qu'un mari fonctionnaire d'État. Un autre, engagé dans ce qu'on appelle le business, c'est devenu le moyen le plus sûr de s'enrichir le plus et le plus longtemps. J'en suis restée affectée, mais pas étonnée. Pour ma part, j'ai conservé mon amour pour la culture et la perfection morale. Quant au reste, je me suis résignée, vu mon incapacité d'agir. Le développement économique a fait régresser le pays dans le passé. Une nouvelle division des gens, entre une minorité de tigres sans scrupules, assoiffés d'argent, et une majorité d'agneaux, contraints de survivre comme ils peuvent, c'est-à-dire mal. Il me restait à trouver comment vivre, sans être ni tigre, ni agneau. J'ai choisi une langue étrangère, celle de Bruno. Je voulais connaître les révolutions qui eurent lieu dans ce pays. Je savais qu'elles ont eu le mérite d'abattre de cruels régimes féodaux et d'instituer des droits humains nouveaux. Je n'ignorais pas également que ces ruptures historiques eurent leur influence sur les révolutions qui ont permis à la Chine de réaliser certains progrès, notamment sur le plan social, et donc de permettre à une fille de paysan pauvre, comme moi, d'accéder à l'instruction. Li Ping met les raviolis dans un grand plat et commence à les présenter de manière ordonnée. Elle me suggère « Ce serait quand même bien pour toi de trouver un occidental et d'aller vivre dans son pays. On dit que là-bas, la vie est plus belle, et surtout l'argent ne manque pas. Je suis bien en Chine. Mais tu n'y as pas de mari. Le seul que tu avais trouvé, tu l'as quitté. C'est plutôt lui qui m'a quitté. Lui ? Le jeu était sa vraie passion. Il aimait le mahjong plus que moi. C'est avec lui qu'il passait le plus de temps. Ah, je comprends. Tu pourrais alors quitter la Chine. Je n'ai pas de motif pour le faire. » Elle éclate d'un autre rire. « Ha ! Toujours sage, hein ? » conclut-elle. « Toi, au moins, tu n'as pas changé. » Je hasarde une curiosité. « Et toi, comment ça va avec ton mari ? » Li Ping ébauche un sourire ambigu, hésite. Elle jette un coup d'œil vers la porte de la cuisine, s'assure qu'elle est fermée, puis se tournant vers moi, elle répond à voix basse. « Je suis devenue une réaliste !» J'attends qu'elle s'explique, mais elle reste silencieuse. Je la relance, c'est-à-dire « Je n'ai besoin que de deux choses, stabilité et sécurité. » Désirant comprendre davantage, je relance. Et je m'interromps. Li Ping, remarquant mon embarras, m'invite. « Allez, dis ce que tu veux. Je sais bien que tu me demanderas jamais rien d'inconvenant. Allez, parle !» Alors j'ose. « Et le sentiment ?» Li Ping éclate du rire le plus sonore dont elle est capable et remue plus énergiquement le reste de ravioli dans la marmite. « Ha ! Je vois encore bien que tu es restée la même, Mei !» Je ne réagis pas. J'attends la réponse à ma question. D'un ton apparemment détaché, Li Ping déclare « J'ai appris que c'est un luxe qui n'est pas de ce monde. » Elle prend le grand plat rempli de raviolis et sort de la cuisine, suivie par moi. Mei et son ami reviennent dans le salon. « À table !» dit Mei en me regardant. Je me lève. « Le repas est prêt !» lance son ami vers la porte close où disparut son mari. Il en sort, l'expression soucieuse, son gros et joli téléphone portable en main. Tous nous entrons dans une salle à manger. Là aussi, dernier modèle, tout occidental, flambant neuf. On dirait une exposition dans un pavillon commercial. Meubles en bois noir rutilant, portes de verre transparents, ustensiles coûteux. Au mur, deux copies de peinture, elles aussi de type occidental. L'une, un château anglais imposant devant une immense pelouse verte. L'autre, une course de chevaux dans un champ monté par des cavaliers occidentaux. Décidément, je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Médiocrité et vulgarité de nouveaux riches, comme chez nous. La table carrée, au pied d'acier blanc, surmontée d'une surface de verre épais grisâtre, est bondée de plats et d'aliments divers, nettement plus que le nécessaire. Nous sommes quatre, mais il y a mangé pour 10. Mais il me traduit un propos de l'hôtesse. La domestique a déjà tout préparé, mais les raviolis, mon amie a voulu s'en occuper elle-même. Elle nous invite, Mei et moi, à nous asseoir à table, puis fait de même avec son mari. Le téléphone de ce dernier sonne. Il écoute. Brusquement, son visage devient très dur. Son épouse lui demande quelque chose. Il répond en grognant méchamment. Sa femme réplique avec une expression de visage identique à celle d'une vipère prête à l'attaque. Le mari raccroche, très énervé, et pose le téléphone près de lui. Sa conjointe lance à Mei un regard, l'air de dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Nous nous apprêtons alors à manger. L'époux, encore fortement irrité, allume l'extra-large écran de télévision trônant au centre d'un mur en face de lui. Un match de football est diffusé, décidément. Me revient un désagréable événement. Le soir, dans la salle à manger, j'étais avec mon enfant âgé de 3 ans. La chère épouse, au regard absent, alluma la télévision. Je protestais. « Non, s'il te plaît, pas de ça. »« Et pourquoi ?» objecta-t-elle, fâchée. « Le repas est le seul moment où nous sommes ensemble, tous les trois. Si tu allumes la télé, comment pourrait-on parler ?» Ses yeux noirs me dévisagèrent froidement. « Et de quoi veux-tu qu'on parle ?» Effectivement, elle avait raison. Voilà longtemps que nous n'avions plus rien à nous dire d'intéressant. Le désagréable souvenir est interrompu par l'entrée d'une jeune fille dans la salle à manger de Canton. La quinzaine d'années, un peu grosse, blue jean délavé et maillon de coton jaune, cheveux courts, noirs teintés en un blond fadasse, couronnée de lunettes de soleil, monture bleue, aux oreilles, écouteurs liés à deux fils allant dans une poche du pantalon, et dans la main droite, un téléphone portable. Incroyable, ahurissant, mais réel. « Ma fille !» annonce la maîtresse de maison, toute fière. « Oh !» s'exclame Mei avec une expression de surprise impossible à décrire. À son adresse, la nouvelle arrivée esquisse une grimace en guise de sourire de convenance, puis se tourne vers moi, me dévisage d'un air impassible, et laisse tomber avec un accent américain « Hello !» Je demande à Mei « Comment dit-on « hello » en chinois ?» Elle me le dit, je réponds à la toute jeune fille « Ni hao !» Mon effort et mon sourire laissent l'adolescente indifférente, comme le serait une personne droguée. Son attitude subtilement arrogante me choque, mais je ne le montre pas. Elle tourne le regard vers les plats sur la table. Sans lever les yeux vers ses parents, elle déclare ennuyée « Je n'ai pas faim ».« Comment tu n'as pas faim ?» demande sa mère. « Pendant ce temps, le mari mange bruyamment, en glouton, en regardant le match à la télévision, sans prêter attention à sa fille. Celle-ci répond nonchalamment à sa mère. « J'ai déjà mangé, il y a 2 heures, avec des copines dans un fast-food, après la leçon de piano. Je retourne dans ma chambre. » Elle sort d'un pas apathique. Pour réchauffer l'ambiance, sa mère se met à bavarder gaiement avec Mei. Le mari, les yeux rivés sur la compétition sportive, continue impassiblement à engloutir des raviolis, sans être gêné par l'inconvenant bruit de ses mâchoires en action. Après le repas, Bruno et moi voyageons dans un taxi. Il veut savoir le contenu du bref échange de paroles entre le mari et son épouse lors de l'appel téléphonique. Cette curiosité me fait un peu rire. Je taquine mon compagnon. « Tu veux vraiment le savoir ?»« Oh oui, tout m'intéresse en Chine. » Eh bien voici, le mari parlait d'affaires. La proposition qu'il reçut l'a heurté très fort. Il déclara à sa femme « Cet imbécile n'accepte pas le prix que je lui demande. Il propose un autre plus bas, en disant qu'il lui a été suggéré par mon concurrent. » « Concernant ce dernier, répondit l'épouse, tu as tes amis dans l'administration pour le neutraliser. Alors envoie ce client en enfer. Quand l'animal souffrira assez, il retournera à toi, les genoux par terre. Et c'est à ton prix qu'il se pliera. » La radio du taxi diffuse une chanson chinoise d'amour, semblable à toutes les autres. La mélodie est douce, la voix langoureuse. Remarquant le visage plutôt maussade de Bruno, je hasarde. « Puis-je savoir à quoi tu penses ?»« Aux gens chez qui nous avons déjeuné. »« Ah, et que penses-tu ? » ?»« Le mari de ton ami ne parle-t-il pas anglais ?»« Si, mais il a honte d'y recourir avec toi. »« Pourquoi ? Pour ne pas perdre la face ?»« La face ?» Parler anglais de manière imparfaite, c'est pour lui perdre la face. Mais c'est tout à son honneur de parler une autre langue, même de manière imparfaite. Je sais, mais la question de ne pas perdre la face est en Chine d'une importance fondamentale. À ce point ? Oui. Je n'ai trouvé dans cette famille, constate Bruno très désappointé, rien de ce qui rappelle la civilisation chinoise, son originalité et son raffinement. Je les ai pourtant perçus chez les gens modestes comme ceux du quartier de Xi'an et la périphérie de Canton. Il se tait un instant puis ajoute « Je pense aussi à leur fille. Une personne ainsi gâtée, sans frère ni sœur pour atténuer son égocentrisme, saura-t-elle aimer ? Comment comprendra-t-elle que la vie ne consiste pas seulement en gadgets, mais d'abord en sentiments ? Et quelle influence cette jeune fille aura sur la Chine future, surtout si elle se retrouve à un poste de dirigeant ? Quant à ses parents, je crois qu'ils sont tombés dans un excès navrant et dangereux, adorer aveuglément tout ce qui vient de l'Occident, sans discerner le bon du mauvais, en rejetant ce qui est valable dans leur propre civilisation. » Il se tait, puis ajoute. « Ah, j'oublie, j'ai exagéré. Il y avait quand même quelque chose de chinois dans le salon. Le grand dragon rouge. » J'éclate de rire. « Tu veux savoir ce que ce dragon signifie en Chine ?»« Oui. Argent et pouvoir. » »« Tiens, tiens, » conclut Bruno d'un ton amer. « Je veux connaître davantage ses opinions. »« D'autres observations ?»« Oh oui, » dit-il. « Lesquelles ?» J'aime ce peuple de Chine. Je souhaite évidemment qu'il sorte de la pauvreté, qu'il bénéficie de la meilleure situation matérielle possible. Mais il serait très triste de le voir, à cause de ce progrès économique, suivre le sort de nos pays occidentaux, perdre ce qu'il a de beau, de bon, de simple, de vital, en matière de civilisation, de coutumes, de manière de vivre. Le taux de croissance économique, c'est bon, mais sans le complément indispensable, à savoir le taux de croissance culturelle, le progrès boite, dangereusement. Un corps sans âme, à quoi sert-il ? Étrange. Voilà des considérations que j'aurais dû formuler dans mon pays. Mais comment, en étant immergé totalement dans une banque ? Il a fallu des événements absolument inattendus et ce voyage pour me réveiller à la réalité autre que celle des affaires. Encore merci, Hua. Les propos de Bruno m'ont rendu très mélancolique. Ah, combien de fois j'ai pensé à la régression culturelle de mon pays, sans voir de solution. « Tu es amoureux de la Chine, n'est-ce pas ? » dis-je à Bruno. « De sa civilisation, de ses gens simples. »« De l'aspect positif de sa civilisation et de la chaleur humaine de ses gens simples, oui. » La douce chanson continue dans le taxi. « Tu te rends compte, poursuit-il, si en Chine on ne peut plus entendre une chanson comme celle-ci, typiquement chinoise, mais seulement des hurlements de rock'n'roll ou des chansonnettes occidentales roucoulantes à la sauce chinoise, ce serait aussi tragique que de voir en Occident disparaître la musique classique et le chant populaire. » Le cœur serré de dépit, j'explique à Bruno en espérant ne pas le dégoûter. Tout Chinois proclamera avec fierté que la civilisation chinoise est plurimillénaire et que, de cette illustre longévité, il possède les éléments. Mais il ignore, néglige ou oublie que l'ouverture au monde occidental a entraîné dans notre pays un certain, disons, modernisme. Il domine par l'aspect vulgairement matériel, par l'égoïsme le plus abject et par la superficialité la plus ridicule. Malheureusement, une partie des citoyens, minoritaires mais influentes pour ne pas dire déterminantes, tirent profit et gloire de cette mode funeste. Aussi, je crains qu'en sortant de la pauvreté matérielle, mon peuple tombe dans la pauvreté culturelle. Je suis angoissée en pensant à une horrible régression et à ses conséquences effroyables. Mon désir le plus cher est que l'enrichissement économique ne se manifeste pas dans son aspect barbare et dangereux, où une minorité s'engraisse au détriment de la majorité. Au contraire, je souhaite voir l'aspect bénéfique du progrès matériel, celui civilisationnel, privilégiant le bien-être collectif et l'harmonie sociale. Je me tais, demeurant pensive. Bruno remarque mon inquiétude. Je dis encore. Prenons un exemple. Dans les temps anciens, quand les poètes authentiques évoquaient la beauté d'une femme ou la valeur d'un homme, pour la première, ils faisaient allusion non pas au corps, mais à sa vertu, et pour le deuxième, pas à sa richesse matérielle, mais également à sa vertu. J'espère que cette conception ne se réduira pas aujourd'hui à un cercle étroit de rares intellectuels et artistes, mais restera celle de la majorité du peuple, pour son bien et celui de l'humanité. Le taxi poursuit sa course pendant que Bruno observe à travers la fenêtre les rues et les gens. J'en profite pour méditer sur moi-même. Suis-je changée ? En quoi ? Mon mariage raté a modifié quelque chose en moi. J'ai pensé que l'amour pouvait se construire. J'en ai constaté l'impossibilité. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on est automatiquement aimé, même en consentant tous les compromis imaginables. Ne suis-je pas en train de me mentir ? En épousant mon ex-mari, j'avais bien entendu compté sur l'amour à construire. En réalité, n'ai-je pas succombé aux besoins de stabilité et de sécurité, comme Li Ping, toutefois sans clairvoyance et avec moins d'ambition matérielle ? Dans mon mariage, ai-je mélangé le sentiment d'une part et d'autre part le besoin de sécurité et de stabilité ? C'est pourtant le cas général chez nous en Chine. La stabilité et la sécurité passent toujours avant l'amour. Je croyais être différente. L'ai-je été avec mon mariage ? N'ai-je pas agi comme la plupart des jeunes filles chez nous ? Dépasser les 25 ans, éprouver de la honte à ne pas être mariée ? N'ai-je pas succombé à la conception commune, dominante ? Je l'ignore. Mais là où je suis restée la même, c'est ma persistance à concevoir l'amour avec un grand A, tel que les poètes les plus talentueux et sensibles le chantent. Pourtant, j'ai essayé de ne plus y croire pour être plus sereine. Impossible. J'ai eu l'impression de mourir. J'ai fini par admettre. Il n'y a que l'amour pour justifier mon existence. 42 ans, la moitié d'une vie, et l'amour ne s'est encore jamais présenté sur mon chemin. Faut-il garder espoir, renoncer ? Li Ping a dit « Le sentiment est un luxe qui n'est pas de ce monde, mais en moi, il existe, toujours vivant. » À la vue d'un couple qui me semble heureux, la question éclate, impérieuse, réclamant une réponse. « Pourquoi pas moi ? Et moi, quand ?» Mais une autre voix persifle, cruelle. « Jamais, tu ne le rencontreras jamais. » Cette voix a même l'horrible méchanceté d'ajouter « Tu ne le mérites pas. » À ces derniers mots dans le taxi, des larmes pointent dans mes yeux. De la main, je les essuie discrètement, sans attirer l'attention de mon compagnon.